Do you hear me? Putain, je te jure, franchement, j'aime pas ce quartier. Attends, mais t'es pour à qui tu parles? Ah merde. Mais sans ils. Thank you.